السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في قراءة رسالة العالم المربي ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، رسالة في ذم قسوة القلب وأسبابها وما تزول به. Nous sommes toujours dans la lecture du livre du grand savant Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, dans lequel il blâme la dureté du cœur en s'appuyant ou bien en utilisant des versets coraniques et des récits prophétiques. Puis, il nous montre les causes, dans laquelle il nous montre les causes de la dureté du cœur et comment s'en défaire. Dans le cours passé, nous avons vu ensemble l'explication de certains versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la gravité et la dangerosité du cœur dur. ومن هذه الآيات المباركات قوله جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله الآية وذكر قوله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وذكر قوله عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Donc nous avions lu ces quelques versets démontrant le mal d'avoir un cœur dur et que les pierres étaient meilleures que les cœurs durs, du fait qu'on pouvait en tirer profit et du fait qu'elle craignait Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu comment Allah tabaraka wa ta'ala a repris les compagnons sur l'état du cœur après quelques années passées du début de la révélation dans Suratul Hadid. Et nous sommes arrêtés وأما أسباب القسوة فكثيرة. Quant aux causes de la dureté, c'est-à-dire de la dureté du cœur, elles sont multiples. منها كثرة الكلام بغير ذكر الله كما في حديث ابن عمر السابق ومنها نقض العهد مع الله تعالى قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية قال ابن عقيل رحمه الله يوما في وعظه يا من يجد من قلبي قسوة احذر أن تكون نقضت عهدا فإن الله يقول فبما نقضهم ميثاقهم الآية ومنها كثرة الضحك ففي الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وقال وروي عن الحسن قوله وخرج ابن ماجه من طريق أبي رجاء الجزري عن برد ابن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الضحك تميت القلب. وعن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها كثرة الأكل لا ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام. قال بشير بن الحارث خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل ذكره أبو نعيم. وذكر المروذي في كتاب الورع قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل يجد الرجل في قلبه رقة وهو شبع؟ قال ما أرى. ومنها كثرة الذنوب. قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي صحيح. وقال بعض السلف البدن إذا عري رق وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه الله رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث كالذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit en ce qui concerne les causes de la dureté du cœur, elles sont nombreuses et multiples. Donc voici le sujet du cours d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, les causes de la dureté du cœur. De par le bon conseil de l'auteur, rahimahullah ta'ala, il ne s'est pas contenté de nous montrer que la dureté du cœur c'est une maladie. Il ne s'est pas contenté de nous montrer la dangerosité de cela. Mais il nous cite maintenant les causes qui amènent au mal. وَهَذَا مِنْ تَمَامِ النُّصْحِ وَهَذَا مِنْ تَمَامِ النُّصْحِ. L'auteur rahimahullah ta'ala, comme vous le remarquez ici, ne s'est pas contenté de nous montrer le problème. Il nous cite ici les causes qui emmènent à tomber dans ce problème. Et ça, ça fait partie de la perfection du bon conseil. Celui qui a un bon conseiller pour toi, il ne va pas se contenter de te montrer le problème. Il va t'enseigner également quelles sont les causes qui font tomber, qui amènent à être dans ce problème. Pourquoi ? Ça, c'est un mal. Ici, il t'enseigne le mal pour que tu t'en préserves, pour que tu t'en éloignes. Quant à ceux qui disent « Enseignez le bien et les gens connaîtront le mal d'eux-mêmes », ceux-là ont contredit la voie du Coran. Cela en contredit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la voie des pieux prédécesseurs. Dans le Coran, celui qui lit sourate al-Fatiha verra que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné le bien, nous a appelé au bien et nous a montré le mal en détail pour nous mettre en garde. Celui qui continue la deuxième page du Coran puis la troisième page du Coran verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala à classifier les gens en trois groupes, après les avoir séparés également dans le Fatiha, en trois groupes. Ceux qui ont su, ont mis en pratique. Ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah. Na'am. Alladhina an'amallahu alayhim. Ensuite, al-maghdoub alayhim. C'est ceux qui ont su et qui n'ont pas appliqué. Ceux qui ont recouru la colère. Ensuite, al-dallin. Ceux qui se sont égarés de par leur ignorance. Donc on t'enseigne le bien, la science, la mise en pratique. Et on te met en garde contre le mal, l'ignorance et la science sans mise en pratique. Est-ce qu'on va dire qu'ici c'est un ajout? qui n'avait pas lieu d'être dans le Coran, dans le Fatiha, dans le Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala encore, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Puis on t'enseigne quelles sont les caractéristiques des gens pieux. Na'am. Comment est-ce qu'ils accomplissent la prière? La foi, l'iman, bil-ghayb, al-sadaqat. Ensuite, on t'explique les caractéristiques des kuffars. Inna alladhina kafaru. Ensuite, on t'explique les caractéristiques des munafiqin, des hypocrites. ومن الناس من يقول وآمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم. Donc on t'enseigne le bien, on te décrit les caractéristiques des gens du bien pour que tu empruntes le chemin des gens du bien. Puis on t'enseigne la récompense des gens du bien, on te parle du paradis, on te décrit le paradis. Voici une partie du Coran. Une autre partie du Coran, on te cite les gens du mal. On te décrit les caractéristiques des gens du mal pour que tu t'en préserves, pour que tu les reconnaisses, pour que toi-même tu te corriges si tu as de ces caractéristiques, pour que toi-même tu t'en éloignes, puis pour que tu sois sur tes gardes. Naam. Et on te montre la finalité, la description de l'enfer, les châtiments, fit dunya wal akhirah. Voici une autre partie du Coran. Donc ceci est très important. Le fait de connaître la maladie, ça n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui emmène à cette maladie? Quelles sont les causes qui emmènent à cette maladie? Et Hudhayfah ibn al-Yaman, radiallahu anhu, disait: Kana an-nasu yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anil khayr, wa kuntu as'aluhu anil shar, makhafatan an yudrikani dhalik. Hudhayfah ibn al-Yaman, radiallahu anhu, disait: Les gens questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, les causes qui font entrer au paradis, ainsi de suite. Et moi, je l'interrogeais sur le mal, sur les fitanes, sur ce qui fait tomber, sur ce qui emmène en enfer, et ainsi de suite. De peur que cela m'atteigne. De peur que cela m'atteigne. Donc c'est un point très important que de comprendre ce chemin-là, cette méthodologie. Étudier le bien, ses caractéristiques, et ça c'est le but. Étudier le mal et ses caractéristiques pour s'en prémunir. Mais tu n'en fais pas un but en soi. Comme ceux qui se préoccupent du mal au point d'avoir délaissé le bien et les bonnes actions là. Comme Ibn al-Qayyim dit, haoula akhta'u at-tariq. Et la voie la plus parfaite, c'est le fait de connaître le bien en détail et le mal en détail. C'est la voie des prophètes et des messagers. C'est la voie des prophètes et des messagers. On avait détaillé cette parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans l'explication de Nawaqidul Islam. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, et je vais traduire comme Allah Azza wa Jalla m'aura facilité. وَمِنْهَا كَثْرَةُ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ. Parmi cela, c'est-à-dire les causes qui emmènent à la dureté du cœur, le fait de beaucoup parler sans évoquer Allah. Comme dans le hadith passé d'Ibn Omar. Comme dans le hadith passé d'Ibn Omar. C'est-à-dire la tuksiru al-kalam bighayri dhikrillah. Ne parlez pas beaucoup sans évoquer Allah. Fa inna kathrata al-kalam bighayri dhikrillah qaswatun lil-qalb. Car le fait de beaucoup parler sans évoquer Allah emmène la dureté du cœur. Non. Remarquez ici que l'auteur a dit kathratul kalam, le fait de beaucoup parler. Quant au fait de parler avec mesure, avec retenue, en surveillant ce que prononce notre langue, non, ce que dit notre langue, notre bouche, ceci n'entraîne pas forcément la dureté du cœur. Il ne faut pas comprendre à travers la parole d'Ibn Rajab rahimahullah ta'ala que la personne ne parle pas si ce n'est pour faire du zikr. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la meilleure des créatures, le plus pieux et celui qui évoquait le mieux Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même accordait du temps pour d'autres choses. Donc ça ne fait pas partie des paroles qui amènent la dureté du cœur. Par exemple, maza, de parler avec sa famille, de discuter avec ses enfants, d'honorer ses invités, de Mada, d'accorder l'hospitalité à une personne qui te visite et de parler avec lui pour qu'il se sente bien, être de bonne compagnie. Tout cela ne fait pas partie des mauvaises paroles ni des choses qui amènent à la dureté du cœur. Donc il faut bien comprendre ici la parole de l'auteur, rahimahullahu ta'ala. Wa kulluna na'lamu khuturat al-lisan. Na'am wa athara al-lisan 'ala al-'abd wal-mujtama' fi dunyah wa ukhra. Et tous, autant que nous sommes, celui qui a étudié un petit peu comme nous, ou celui qui n'a pas étudié, ou celui qui est savant, celui qui est ignorant, nous connaissons tous la gravité des mots. Ce qui est venu dans le Coran, ce qui est venu dans la Sunna, tu n'as pas besoin d'avoir étudié 20 ans pour savoir la gravité de l'effet des mots. Mais ce qu'il nous manque, c'est la mise en pratique des textes. Ce qui nous manque, c'est la mise en pratique des textes. Et on se rappelle certains versets, certains hadiths pour espérer qu'Allah Azza wa Jalla, en espérant qu'Allah Azza wa Jalla purifie nos cœurs et que cela se répercute sur nos langues. Et c'est un péché, afatul lisan, comme le disent les grands savants, les gens pieux ont réussi à se préserver du meurtre, du vol, et ils ont cité des grands péchés. Mais rares sont ceux qui ont réussi à se préserver des péchés de la langue. Naam. Tu vois la personne faire attention de manière très minutieuse à ce qu'elle met dans son ventre. Naam. Comment est-ce qu'elle va se comporter, comment. Mais la langue, est tawfiq aziz. La réussite dans cette chose-là, c'est très difficile. C'est pour cela qu'il nous faut invoquer Allah Azza wa Jal sans cesse afin qu'il nous aide à préserver cette langue. Qala subhanahu wa ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah Azza wa Jal dans Surat Qaf nous dit une parole dont la traduction est il ne prononce pas une parole sans qu'il n'y ait auprès de lui un observateur prêt à inscrire. Quand tu parles, sache que les anges inscrivent. Tout ce que tu dis comme bien, tout ce que tu dis comme mal, na'am, et ce qu'il y a entre les deux, sache que cela est noté. Et yawm al-qiyama, on va te remettre ces feuillets. Yawm al-qiyama, on va te remettre ces feuillets, tu seras ton propre témoin. Na'am, tu seras ton propre témoin. Donc dis ce que tu espères trouver demain. C'est toi qui sèmes ce que tu vas récolter demain. Donc dis ce que tu aimerais retrouver demain. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous montre la gravité de parler sans en faire attention aux mots et aux dégâts des mots. Il nous dit wa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima la yulqi laha bala tahwi bihi fi an-nar ab'ada mimma bayna al-mashriq wal-maghrib. Et l'homme parle sans faire attention à ce qu'il dit. Ou bien sans vérifier, comme l'a expliqué Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, yani lam yatathabbat, sans vérifier cette parole. Par cette parole qu'il a prononcée, il se voit jeté en enfer dans un espace plus large que l'espace qu'il y a entre l'est et l'ouest, et dans le hadith que je viens de dire, ou bien na'am, dans l'autre hadith, 70 kharif, à 70 automnes. On le jette en enfer 70 automnes. Dans l'autre hadith, dans l'espace plus large, que l'espace qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Pour une parole prononcée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te menace de cela. Avant de parler, i'qil ma taqou. Réfléchis à ce que tu vas dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te parle ici d'une parole, d'une phrase, d'une chose que tu vas dire dans une assise. Et il se peut que ta finalité soit celle-ci, wal'iyadu billah. Comme nous le rapporte Abu Huraira عند البخاري ou fi sahihayn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad ibn Jabal, après que ce dernier lui ait dit, et est-ce que les gens vont être propulsés sur leur visage au messager d'Allah, yani pour ce qu'on fait leur langue? Mu'ad ibn Jabal, c'est qui? Min a'lam al-sahaba, min fuqaha al-sahaba, Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne cette exhortation. حتى العالم مفتقر إلى هذه النصائح. فكيف بنا؟ Même le savant est dans le besoin de ses conseils concernant la langue. Que dire alors de nous? Naam, que dire alors de nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'ad, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدْ أَلْسِنَتِهِمْ. Et est-ce que les gens vont être jetés ou est-ce qu'ils vont culbuter sur leur visage comme lorsque tu prends quelque chose et que tu le jettes par terre et qu'il rebondit? Subhanallah. Est-ce qu'ils vont être jetés sur leur visage si ce n'est à cause de ce que leurs langues auront amassé? Et un autre hadith nous aide à comprendre celui-ci. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Akthar khataya bni Adam fi lisani » La plupart des fautes du fils de Adam sont le résultat de ses mots avec sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la solution. Il nous cite le problème, il nous montre sa gravité, il nous cite la solution. Quelle est la solution? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ce que tu t'apprêtes à dire ne sort pas de ça. C'est du bien, tu en as la certitude. Et ça ne te rapporte pas de mal. Allah ne t'interdit pas de parler, mais il t'interdit de dire ce qui va te faire du mal à toi-même. Ce bien-là, dis-le. On t'encourage à le dire. Deuxièmement, c'est du mal. Tu sais que c'est du mal. Et ça va te rapporter du mal. Et ça va te ramener des problèmes. Et ça va te mettre dans la gêne. Le prophète sallam te dit de ne pas prononcer cette parole. Il reste une seule chose, c'est quoi? Man yujib. Baqiya al-amr al-thalith. Mahu. Il reste qu'une seule chose. Comment? Se taire, c'est pour ce que je viens de citer. Ce qui est douteux. Ahsan. Ce qui est douteux, tu yani al-mutashab, tu ne sais pas si c'est du bien, tu ne sais où est-ce que c'est du mal. Tu es dans le doute. D'un certain point de vue, tu te dis c'est du bien. D'un certain point de vue, tu te dis c'est du mal. Dans cette situation, comment est-ce que tu te comportes? Naam, tu te tais. Tu te tais jusqu'à ce que tu aies la certitude, naam, que cette parole est un bien. Que cette parole est un bien. Comme l'a expliqué le Cheikh Abdurrazak Hamidahullahu Ta'ala. Et comme on peut le tirer du hadith, Inna al-hala bayin wa inna al-haram bayin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi. Le halal, le licite, il est clair, il est évident. Le haram, c'est illicite, c'est clair et c'est évident. Entre les deux, il y a les choses équivoques. Ignorées de la plupart des gens. Ignorées de la plupart des gens. Celui qui se prémunit de ces choses-là aura préservé sa religion. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il va le faire dans le doute et en fait il est tombé dans le haram. Il aura préservé aussi son honneur. Pourquoi? Parce qu'il va faire cette chose-là. Lui, il était dans le doute ou bien il pense que c'est halal et en vrai c'est haram et des gens l'ont vu faire cette chose et eux pensent que c'est haram. Alors ils vont parler sur lui. Alors ils vont parler sur lui. Donc mets en pratique cette recommandation de ton bien-aimé, de ton messager, de ton conseiller, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise. La langue, c'est ce qu'il y a sur toi qui ne se fatigue pas. Et certains disaient, cette parole a été attribué à certains parmi les compagnons, Allah t'a donné deux oreilles et une seule langue pour que tu écoutes bien plus que ce que tu ne parles. D'autres ont dit, médite sur la création de tes mains, de tes oreilles, yani tout ce qui amène les sens, yani la bouche, les yeux et ainsi de suite. Tu verras que pour les yeux, on t'a mis les paupières. Naam, on t'a mis un rempart. Pour les oreilles, il n'y a rien. Pour le toucher, pour la main, il n'y a rien. Et ainsi de suite. Par contre, pour L'odeur, il n'y a rien, et ainsi de suite. Par contre, pour la bouche, combien est-ce qu'il y a de choses? Il y a combien de choses pour la bouche? Hein? Il y a quoi? Il y a les lèvres. Deux. Ensuite, il y a les dents, la mâchoire. Naam? Il faut que tu bouges tout ça pour parler. Il faut que tu bouges tout cela pour parler. Malgré ça, la langue, c'est ce qui ne se fatigue pas sur toi. Et tu vas parler, quoi qu'il en soit, tu vas parler. Au point, les savants écrivent des livres sur le silence. Au jour d'aujourd'hui, celui qui se tait, on lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Tu n'es pas bien ?» Naam. Parmi les anciens, certains étaient décrits par cette qualité. Chez eux, c'était une qualité. Il a été rapporté dans la tarjama de l'imam al-Bukhari qu'il parlait rarement. Il parlait rarement. Et dès qu'on parlait d'ilm, il rentrait dans la discussion. On a cité dans la tarjama de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala « Kana kathira samt ». Il observait très longuement le silence. Naam. Et dès qu'on parlait d'ilm, il entrait dans la discussion. Et un des anciens, et on verra ça ici, Inch'Allah ta'ala, a pris le bateau avec l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. كان ملازما للصمت فإذا تكلم قال اللهم أمتنا على الإسلام والسنة رحمه الله. L'imam Ahmed رحمه الله تعالى parlait très peu durant ce voyage. Il était sur le bateau avec des gens. Et lorsqu'il parlait, il disait Ya Allah, fais-moi mourir sur l'islam et sur la sunna. Ya Allah, fais-moi mourir sur l'islam et sur la sunna. نعم الله المستعان. Donc parle. Évoque Allah Azza wa Jal, dit du bien, ou sois de bonne compagnie pour ta famille, femme, enfants, parents, et ainsi de suite. Mais ne parle pas beaucoup sans évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que dhikrullah, c'est ce qui amène la douceur du cœur. Donc plus tu parles sans évoquer Allah Azza wa Jal, plus ton cœur s'endurcira. Ibn Umar rahimahullah radiyallahu anhu a dit: man kathura kalamuhu kathura laghatuhu wa man kathura laghatuhu kathurat dhunubuhu wa man kathurat dhunubuhu kanat an-nar awla bih. Umar ibn al-Khattab a dit: celui qui parle beaucoup fera beaucoup de fautes, et celui qui fait beaucoup de fautes aura beaucoup de péchés, et celui qui a beaucoup de péchés, l'enfer sera plus à même de l'accueillir. L'enfer sera plus à même de l'accueillir. Wa qala Abdullah ibn Aoun, dhikrullah dawa wa dhikrun nas da'. Abdullah ibn Aoun rahimahullah disait: l'évocation d'Allah est un remède, et l'évocation, la citation des gens est une maladie. Et sachez que la langue affecte le cœur. Sachez que la langue affecte le cœur. Ça, c'est un point qu'il nous faut bien comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à cet effet: la yastaqimu imanul abd, la yastaqimu imanul abd hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la foi du serviteur ne sera pas droite tant que son cœur ne le sera pas. Et son cœur ne sera pas droit tant que sa langue ne le sera pas. Donc on voit le lien direct qu'il y a entre la langue et le cœur. Dans un hadith précédemment cité, Ala inna fil jasadi mudra, Naam, il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est sain, tout le reste du corps le sera. À la fin du hadith, c'est le cœur. On a cité la parole des savants que le cœur, c'est le chef des membres. Dans d'autres hadiths, on pourrait comprendre que la langue est le chef des membres. Et en réalité, le cœur est le chef des membres, et la langue cite le contenu du cœur, et il y a un lien direct entre les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, chaque matin, tous les membres se soumettent à la langue. Na'am, Allah alim comment traduire exactement. Ils lui disent, crains Allah car nous sommes sous toi. Si tu observes la droiture, nous l'observerons. Alors, et si tu t'égares, nous nous égarerons alors. Donc la langue, si elle est maintenue sur la droiture, le reste du corps suivra. Et pour maintenir cette langue sur la droiture, qu'est-ce qu'il faut maintenir droit? Si on a bien compris ces hadiths. Na'am. Al-qalb, le cœur. Donc tu préserves ton cœur, ça t'aidera à préserver ta langue et ça préservera par la grâce d'Allah Azza wa Jalla et son aide tout le corps. Et le hadith Aktharu khataya bin Adam fi lisani sahih al-allamah al-albani. La plupart des péchés du fils de Adam sont faits avec la langue. Celui qui parle beaucoup sans évoquer Allah Azza wa Jalla, sayandam, il va regretter. Si Allah Azza wa Jalla ne lui facilite pas les regrets et les repentirs fi dunya, obligatoirement il aura les regrets yawm al-qiyam. Même si, écoutez bien, même si le temps durant lequel il ne faisait pas de zikr, il ne disait pas de paroles haram. Mafhoum, ne comprenez pas que tant que la personne ne dit pas d'insultes ou d'autres choses semblables, il est libre, il est tranquillisé dans son qalb. Non, il ne doit pas parler beaucoup sans évoquer Allah Azza wa Jalla. Pour preuve, قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيثة حمار. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, il n'y a pas un groupe de personnes qui prenant place dans une assise sans évoquer Allah ni prier sur le prophète صلى الله عليه وسلم sans qu'il ne se relève, sans qu'il ne quitte cette assise, comme, ou bien en se séparant du cadavre d'un âne, celui qui prend place dans une assise. Puis, qui dans cette assise, avec ces gens-là, n'ont pas évoqué Allah, ni prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben sachez qu'ils quitteront à la fin de cette assise, comme s'ils avaient, ce dont ils se sépareront sera semblable au cadavre d'un âne. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce sera pour eux un regret. Ce sera pour eux un regret. Le hadith ne me revient pas. Mada adhuntira, mada. إلا كانت تيرة أو ماشبة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الحديث هذا هو تيرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم نودي dans un autre hadith ça sera pour eux une source de regret c'est-à-dire d'avoir fait une assise et dans celle-ci il n'a pas évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire alors ikhwani fillah, que dire alors des assises qu'on passe non pas dans le mubah, mais dans le haram. Dans le mubah, bi ghayri dhikrillah, qaswatu qalb. Que dire alors dans le haram? Que dire alors dans le haram et dans le douteux? Falyattaqillah, imru'un arada al-khayra li nafsi. Donc celui qui veut le bien pour lui, qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il retienne sa langue et qu'il occupe sa langue par le bien. S'il ne l'occupe pas avec le bien, il va l'occuper avec le mal. Certaines personnes sont trop faibles pour retenir leur langue. Dès qu'elles viennent dans une assise, c'est comme si elles cherchaient l'agrément de ces gens-là, donc elles participent à ce qu'ils diront. Si c'est dans le bien, dans le bien. Si c'est dans le mal, dans le bien. Si c'est dans le douteux, dans le douteux. Si c'est dans le mal, dans le mal. Si c'est dans le douteux, dans le douteux. Là, y'a akhi. Parle selon ce qui t'est profitable. Yawm al-qiyamah, dans ta tombe, dans le jugement, tu vas être tout seul. Ces gens-là, ils ne pourront rien pour toi. Pourquoi est-ce que tu as parlé? Ouais, mais il a dit. Là, ya akhi, tu vas être tout seul dans ta tombe. Tu vas être tout seul, yawm al-qiyamah, quand tu vas être jugé. Personne ne pourra rien pour toi. Même al-anbiya wa al-rusul, ils ne pourront rien pour toi. Pourquoi est-ce que tu te caches derrière un tel? Oui, mais c'est un tel. Oui, mais kada. Oui, mais il n'a pas compris ma parole. Oui, mais. Le silence, c'est ça la réussite. Illa an khayr. Si ce n'est pour dire du bien. Naam. Et jadis, les savants attiraient l'attention toujours des femmes lorsqu'ils parlaient sur la langue. Nos jours d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut spécifier les femmes dans ce rappel? Allahu a'lam. Si je pense du bien, je réponds Allahu a'lam à ma question. Ba'dur rijal. Ba'dur rijal. Ma lahum. Ma lin nisa as-salihat. Certains parmi les hommes n'ont pas de les qualités qu'ont les femmes pieuses. Min hifdh al-lisan wa kathrat dhikrillah wal ikthar min tilawat al-Qur'an wal amr bil ma'ruf wal nahy 'an al-munkar. Certains parmi les hommes. Na'am. N'ont pas parmi les qualités ce qu'ont les femmes. Peut-être parmi les awam. Avant, nos parents nous disaient, parle pas beaucoup comme une femme. Ou, yani, ils comparaient les défauts de la langue, ils faisaient une ressemblance avec la femme qui ne craint pas Allah Azza wa Jal. Au jour d'aujourd'hui, nous, à notre époque, est-ce qu'on peut faire ça? Ar-rijal tasaqatu fi hadha. Les hommes sont tombés dans ça. Illa man rahimahullah. Illa man rahimahullah. Naam. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sallallahu yuslihana. Wa yu'inana ala hifdh al-lisan. Demandons à Allah Azza wa Jalla de nous réformer, de nous aider à préserver nos langues. C'est un sujet très vaste qui comprend beaucoup de points, comme yani al-kalam fi din illa bi ghayri ilm, comme al-ghiba, comme al-namima, comme al-kadhib. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de branches dans ce sujet, comme le fait de parler dans la religion d'Allah sans science, c'est le pire des péchés. Comme le fait de mentir sur Allah Azza wa Jalla, c'est le pire des péchés. Comme la médisance, le colportage, le mensonge, et ainsi de suite. La personne fait de la médisance, et ensuite, lorsqu'il reçoit le rappel, il dit oui, mais c'est vrai. Il ne sait pas que c'est exactement la définition de la médisance. Naam. Justement, pour que ce soit de la médisance, il faut que ce soit vrai, sinon c'est un péché encore pire, al-buhtan. Tu dis sur ton frère ce qu'il n'aurait pas aimé entendre en son absence. C'est vrai, cette parole elle est vraie. Naam. Ça c'est une kabira min kabair al-dhunub. Wallahu musta'an. Ensuite l'auteur nous dit wa minha nakhudhu al-'ahd ma'a Allah ta'ala. Ça c'est une risala. On ne la développe pas sur chacun des points. Sinon, chacun des points, on reste plusieurs jours dessus. Mais la personne qui est intelligente, lorsqu'on lui fait un signe, elle comprend. C'est-à-dire, on nous montre ici, et ensuite à nous de développer ce sujet et de nous réformer. Et peu de sciences mises en pratique, c'est meilleur que beaucoup de sciences, na'am, qui seront des preuves contre nous. Qui seront des preuves contre nous, Allah al-musta'an, Allah al-musta'an. ومنها نقض العهد مع الله تعالى. Et parmi ces choses-là, c'est-à-dire ce qui amène la dureté du cœur, le fait de ne pas tenir une promesse faite avec Allah, un pacte avec Allah, le fait de rompre un pacte que tu avais avec Allah. العهد مع الله على قسمين, العام والخاص. Le pacte que tu as avec Allah est de deux sortes. Il y a le pacte général. Il y a le pacte général. وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم عبادته وحده لا شريك له طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بشكل عام أو بتعبير أعم امتثال الأوامر واجتناب النواهي. العهد que tu as avec Allah, le pacte que tu as avec Allah lorsqu'Allah t'a créé, et avant même lorsque tu étais dans les lombes de ton ancêtre, il a pris le pacte que tu n'adores que lui sans jamais rien lui associer. Et on t'a ordonné de lui obéir et de ne jamais lui désobéir. Ça c'est un pacte que tu as avec Allah Azza wa Jalla. C'est un pacte, c'est le pacte général. Il y a un deuxième pacte, c'est le pacte particulier. C'est lorsque toi, tu prends l'engagement. Tu dis par exemple, si Allah Azza wa Jal m'enrichit, j'aiderai les pauvres, j'aiderai les orphelins, j'aiderai les veuves, et ainsi de suite. Puis Allah t'a enrichi et tu n'as rien fait de cela. Naqadta ahdak. Naam. Ici tu as rompu le pacte. Ben l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que cela fait partie de la dureté du cœur. Et il nous dit, la preuve, قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. Dans ce verset de sourate Al-Ma'idah, le verset 13 de sourate Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une parole dont la traduction est: et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent leurs paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie, car Allah aime certes les bienfaisants. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ce verset nous montre que parmi les causes qui amènent la dureté du cœur, le fait de violer l'engagement que tu as pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la personne désobéit Allah Azza wa Jal, plus elle trouvera la dureté du cœur. Ça, c'est un point plus général qui viendra. Ça, c'est un point plus général qui viendra à la fin ici. Et vous remarquerez que les causes de la dureté du cœur citées ici, il y en a cité 5, et ce sont en général des choses qui à la base sont licites, mais la personne en exagère. La personne exagère dans ces choses, ça lui amène la dureté du cœur, comme le fait de beaucoup parler. Ici, c'est une chose interdite, c'est la violation de l'engagement. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة. Dans سورة التوبة, le verset 76 jusqu'au verset 80. Le verset 76 jusqu'au verset 80. Allah subhanahu wa ta'ala يقول on peut revenir même au verset 75. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما عاهدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Et parmi eux, il en est qui avait pris l'engagement envers Allah. S'il nous donne de sa grâce, nous payerons certes la zakat et serons du nombre des gens de bien. Donc ils ont pris l'engagement avec Allah Azza wa Jal, le pacte avec Allah Azza wa Jal, que si Allah les enrichissait, ils allaient bien utiliser cet argent, ils allaient donner la zakat, ainsi de suite. Mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant volte-face. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur. Et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. Donc cette maladie du cœur est le fruit de quelle chose? De la violation du pacte, de l'engagement. Ils ont donc, ou plutôt il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront. Pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. Ne savent-ils pas qu'Allah connaît leurs secrets, leurs conversations confidentielles et qu'Allah connaît parfaitement les choses inconnaissables? Donc voici un exemple qui montre encore que le fait de violer le pacte avec Allah Azza wa Jalla amène la maladie du cœur. Et parmi les maladies du cœur, l'hypocrisie, la dureté du cœur, ainsi de suite. Et parmi les textes où on trouve Al-Ahd, une invocation qu'on dit, Inch'Allah Ta'ala, pour beaucoup d'entre nous, chaque matin avant le lever du soleil et chaque soir avant son coucher. Une invocation qu'on a surnommée, qui a été surnommée par le Prophète sallam, Sayyidul Istighfar. Na'am. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. Chaque jour, tu renouvelles ton engagement avec Allah Azza wa Jal. Na'am, tu renouvelles ton engagement avec Allah Azza wa Jal. Le point suivant, wa minha kathratu dhahk. Donc ici, chers frères, afwan, j'ai oublié une phrase. Qala Ibn Aqil yawman fi wa'dhi. Ibn Aqil a dit un jour dans son exhortation, Ya man yajidu min qalbi qaswa. Ô toi qui trouves dans ton cœur une dureté. Ihdhar an takuna naqadta 'ahdan. Fais attention. Il se peut que la cause de cela soit la violation d'un engagement que tu avais pris. Il se peut que la cause de cela soit la violation d'un engagement que tu avais pris. Fa inna Allah yaqul fa bima naqulihim mithaqahum. Car Allah dit du fait qu'ils ont violé leur engagement. Naam. Donc cette maladie, les maladies du cœur découlent, parmi les causes, il y a le fait de ne pas tenir un engagement. Le fait de ne pas tenir un engagement. Et ici, on attire notre attention sur un point important. C'est que la personne doit yani, fouiller dans son qalb. La personne, yani, elle marre yuhasib nafsa, wa yufattish. ويسأل إخوانا لا يستحي من يعني لا يستحي من هذا ويتكبر عن هذا يقول يا إخواني يعني أجد في نفسي شيئا يعني هل لاحظتم شيئا فيا يعني من ضعف أو من كذا ومن كبر أو لأن أخاك مرآة نعم et l'homme ne doit pas être gêné de demander à ses frères ceux dont il pense du bien. Ceux qui vont le conseiller, mes frères, est-ce que vous avez remarqué en moi une faiblesse ou kada, parce que je sens en moi la dureté du cœur. Est-ce que vous avez vu de moi des défauts, des péchés, ainsi de suite, conseillez-moi. Naam, ton frère va te dire kada, wakada, wakada, wakada, et t'acceptes de lui et tu le remercies. Naam, ça c'est ton frère. Ça c'est at-ta'awun al-birri wa taqwa. Ça c'est l'entraide dans la piété et madan dans la bienfaisance et la piété. Ça c'est des amis, ça c'est des gens que tu dois fréquenter. Celui qui te dit, ah, akhi, j'ai remarqué ça sur toi. Fais attention. Ya akhi kada, ya akhi kada. Amma celui qui te fait tes éloges en public, naam, et qui dit que du bien de toi, et que même lorsque tu entends, il te défend. Bil batil. Pas il te défend, il protège ton honneur, ensuite il te conseille. Ça, c'est tariqatu ahli sunnah. Naam, tariqatu salaf. Naam. Comme le Prophète sallam nous dit, celui qui préserve l'honneur de son frère en son absence, Allah éloignera son visage de l'enfer. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais celui qui vient, que tu sois dans le haq ou dans le bat, il est toujours avec toi et il te défend. Même si tu es en tort, il essaye de faire devenir ta parole comme étant la vérité. Là, ça c'est pas un ami. Ton ami n'est pas celui qui dit que du bien de toi forcément. Ton ami est celui qui te prodigue le conseil sincère. Ihfadhad. Comme a dit Ibn Baz, ton ami c'est celui qui te prodigue le conseil sincère. Tu as raison, il te dit tu as raison. Il secourt ta parole. Tu as tort, il te dit tu as tort. Il réfute ta parole, même s'il t'aime. Parce qu'il t'aime, il réfute ta parole. Puis il t'aide à te réformer. Il ne tente pas de t'enterrer, il t'aide à te réformer. Naam. Il n'y a pas que des maqabir, il n'y a pas que des tombeaux. Il y a aussi des hôpitaux. Naam. Lorsque quelqu'un est malade, on ne l'enterre pas directement, on essaye de le soigner d'abord. Naam. Ou bien certains savent que creuser des tombeaux. Allah al-musta'an. Il faut joindre entre la justice et rahmah. Il faut joindre entre la justice, l'adl, wal-rahma, et la miséricorde. Comme nous l'explique Ibn Qayyim, il a expliqué Ibn Athaymin, rahimahullahu ta'ala. La personne, elle doit fouiller dans son cœur. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullah, inna Allah khabirun bima ta'amalun. Allah Azza wa Jal nous enseigne cette grande chose dans le Coran, dans Suratul Hashr. Où vous qui avez cru, craignez Allah. Et que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. قال ابن باز رحمه الله تعالى اتقوا الله هذا عام ذكر العام ثم ذكر الخاص ولتنظر نفس ما قدمت لغد هذا من ذكر الخاص بعد العام Ceci fait partie de la citation de la chose particulière après en avoir cité la généralité. C'est-à-dire que muhasabatun nas min taqwallah. Faire tes comptes, ça fait partie de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et que chacun regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit, ce jour, Yawm al-Qiyamah, est tellement proche qu'on l'a appelé comment? Demain. Subhanallah. Demain, il s'agit de Yawm al-Qiyamah. Allah l'a appelé demain dans le Coran. Ne pense pas qu'il est loin, il est très proche. Il n'y a entre toi et ce jour que la mort. Que le fait que l'ange de la mort vienne récupérer ton âme. Naam, Allah musta'an. Donc, cherche en toi. Si tu vois que ton cœur va mal, si tu ne sens pas le goût dans tes adorations, si tu trouves de la difficulté à adorer Allah Azza wa Jal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton calme. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton calme. Cherche, et si tu ne cherches pas, demande. Naam, demande, cherche les causes. Étudie ce genre de livre, naam, sur les cœurs. Le point suivant, wa minha kathratu dhahik. Allahu akbar. Le troisième point, et parmi les causes de la dureté du cœur, il y a le fait de beaucoup rire. Naam, le fait de beaucoup rire. Remarquez que pour al-kalam, il a dit rahimahullah kathratu al-kalam bi ghayri dhikrillah. Et ici, il dit encore kathratu dhahik. Donc de rire un petit peu, ça n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais de beaucoup rire, c'est cela qui amène la dureté du cœur. Pourquoi? Parce que كثرت الضحك من صفات الغافلين والغفلة أصل كبير في قسوة القلب عياذا بالله. Car de beaucoup rire, c'est une des caractéristiques des gens de la distraction, des gens qui sont distraits. Naam. Et d'être distrait, c'est une des grandes bases dans la dureté du cœur. C'est une des caractéristiques des gens qui ont la dureté du cœur, des pires caractéristiques. Fafi al-Tirmidhi 'an al-Hasan 'an Abi Hurayrata radiyallahu 'anhu 'an an-Nabi sallallahu 'alayhi wa sallam qala: "La tukthiru ad-dhahika fa inna kathrata ad-dhahiki tumitu al-qalb." Dans le recueil de l'Imam al-Tirmidhi, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu 'alayhi wa sallam dit: "Ne riez pas beaucoup, ou ne riez pas beaucoup. N'exagérez pas dans les rires. Car certes, le fait de beaucoup rire cause la mort du cœur. Le fait de beaucoup rire cause la mort du cœur. L'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, Cheikh Mukhbil ibn Hadi, al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala, et d'autres parmi les savants ont dit que ce hadith était authentique. Naam, il y a une divergence sur son authenticité. Même Al-Albani rahimahullah ta'ala a rendu authentique. Cheikh Mukhbil rahimahullah ta'ala dans Al-Musnad Sahih Mimma Laysa Fi Sahihayn l'a rendu authentique. Donc le fait de beaucoup rire, le fait de beaucoup rire et ماذا الاسترسال في ذلك, c'est-à-dire le fait de régulièrement être dans cet état-là et de ne pas se contenir et qu'il y ait de longues assises dans cela, cause la mort du cœur. Cause la mort du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, nous dit de ne pas beaucoup. Par contre, de rire avec mesure, d'accord, il n'y a pas de mal dans cela. Regardons quelle était la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa voix, kathratul ibtisam. La voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de très souvent sourire. Au point où un sahabi a dit, ma laqitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qat illa btasama fi wajhi. Allahu akbar. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Naam. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, sous la traduction, tu es certes doué d'une moralité imminente. Tu as certes un comportement parfait. Un sahabi a dit, je n'ai jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ne sourie. Naam. Sans qu'il ne sourie ou bien qu'il me fasse cela. Yani, sans qu'il soit en train de sourire ou sans qu'il me sourie à moi. Quel comportement avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? À chaque fois que ce sahabi l'a rencontré, il l'a vu en train de sourire ou bien lui a souri au visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans le fait de rencontrer son frère avec un visage détendu, il y a dans cela une sadaqa. Il y a dans cela une sadaqa. Na'am. Sourire dans le visage de ton frère, il y a dans cela une sadaqa. Na'am. Une sadaqa. Certains sont souvent en train de sourire au visage de Ahlul Ma'asi ou bien Ahlul Kufr wa Nifaq. Et lorsqu'ils rencontrent leur frère, ils ont un visage, comment est-ce qu'on dit en français? Renfrogné. C'est comme ça qu'on dit? Renfrogné. Naam. Il ne trouve pas de sourire pour son frère en ce temps. Naam. On dirait que c'est son pire ennemi. Là, il y a putain, un sourire. Tu auras suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu auras pris une hasana et tu auras fait entrer la joie dans le cœur de ton frère. Et peut-être que tu auras même enlevé un waswas qu'il avait dans son cœur pour toi. Et tu auras humilié al-shaytan. Avec, il y a un laps de temps, un sourire. Et est-ce que tu trouves une difficulté à sourire? Ça, dit, abtassim. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne riait pas souvent au point où, lorsqu'il souriait ou riait au point de découvrir ses canines, les compagnons le citaient dans le hadith. Hatta badat nawajid. Par exemple, il dit, il raconte une histoire et ils disent, il a souri ou bien ri au point d'avoir découvert ses canines. Naam, ou bien ses mollets, ou ses, naam, ses molaires. Donc, pourquoi est-ce qu'il disait au point de? Ça veut dire que ça n'était pas la chose qu'il faisait le plus souvent. Quelle était la chose qu'il faisait le plus souvent? Il souriait. Par moment, il riait. Par moment, il riait. Un jour, Abu Hurayra ou bien Abdullah ibn Saoud ou un autre parmi les compagnons a ri. Qu'est-ce qui a rapporté le hadith? Akhir man yadkhulul jannah. Akhir man yadkhulul jannah. Le dernier qui rentrera au paradis. Vous vous souvenez de ce magnifique hadith? Le hadith du dernier qui sortira de l'enfer et qui entrera au paradis. Est-ce que ça vous parle ce hadith ou pas? Et dans Sahih Targhib, par exemple, le hadith du sahabi, le hadith de la personne qui aura été sauvé de l'enfer et qui dira Alhamdulillah, alors qu'il ressent son souffle, Alhamdulillah alladhi najjani wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al-'alam. Loué soit celui qui m'a sauvé de cela et qui m'a accordé ce qu'il n'a pas accordé à une autre personne parmi toutes les personnes. C'est le dernier qui entre au paradis, il pense que c'est le premier qui a été sauvé. Khalas, tout le monde est au paradis, reste que lui. Mais c'est une ni'ma tellement immense que d'être sauvé de l'enfer qu'il pense que personne n'a eu ce grand bienfait. C'est lui le premier à être sauvé, c'est lui le premier qui entrera fi jannah. Puis, il invoquera Allah. Ya Allah, sauve mon visage du souffle de l'enfer. Ya Allah, ya Allah. Allah Azza wa Jalla va lui accorder. Ensuite, il va avoir un arbre avec une source d'eau. Ou bien un arbre. Na'am. Il va demander à Allah d'avoir cet abri. Allah Azza wa Jalla va lui dire, si je t'accorde cela, est-ce que tu vas me demander quelque chose? Il va dire, non, ya Allah, si tu m'accordes cela, je ne te demanderai plus jamais autre chose. Allah Azza wa Jalla va lui donner. Puis Allah Azza wa Jalla va mettre un arbre encore meilleur. Na'am. Il va dire, ya Allah, accorde-moi cet arbre-là et son nombre. Il va dire, malheur à toi, fils de Adam, tu avais promis de ne plus jamais rien demander. Mais Allah l'excusera car ce fils d'Adam voit ce sur quoi il ne peut pas patienter. Alors Allah Azza wa Jalla va lui dire, si je t'accorde cette chose-là, est-ce que tu vas me demander à nouveau une chose? Non, ya Allah, si tu m'accordes cela, je ne demanderai plus jamais autre chose. Puis Allah Azza wa Jalla va lui accorder cette deuxième onde, sous cette deuxième arme. Puis Allah Azza wa Jalla va mettre un troisième, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il voie la porte du Jannah. Et soit du, yani de l'endroit où on met la clé, j'ai oublié le nom, na'am, comment? La serrure, soit la porte sera entrouverte et il va voir al-Jannah. Allahu Akbar. Il va voir le Jannah et les gens du paradis fil Jannah, profiter, se délecter des plaisirs du Jannah. Et il aura manqué à sa promesse une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Mais Allah Azza wa Jalla l'excuse, pourquoi? Car il voit ce sur quoi il ne peut pas patienter. Na'am, ça nous fait penser à l'enfant devant qui tu mets des friandises et tu lui dis touche pas et laisse devant lui. Mayasbir, ne peut pas patienter. Na'am, ne peut pas patienter. Et il sait et il n'est pas avec son père, il est avec sa mère. Sa mère elle est arham. Na'am, sa mère elle a trop de rahma pour lui. Donc elle sait qu'il ne va pas directement le punir, ainsi de suite. Alors peut-être le walid, il est strict. C'est juste qu'il sent le bonbon, peut-être qu'il y a allé les punir. Mais la femme, elle aime trop l'enfant. Puis, il dit, Ya Allah, adnini min al-jannah. Ya Allah, rapproche-moi du paradis. Malheur à toi, Haki ibn Adam. Malheur à toi, ô fils de Adam. Combien de fois est-ce que tu as manqué à ta promesse? N'avais-tu pas promis? Puis Allah Azza wa Jalla lui accorde ça. À la fin, qu'est-ce qu'il demande? Ya Rabbi, adkhilni al-jannah. Ya Allah, fais-moi entrer au paradis. Naam. Alors Allah Azza wa Jalla va lui dire, tamanna, espère et demande tout ce que tu veux. Alors il va espérer, il va demander. Alors Allah Azza wa Jalla va lui dire encore, demande. Ensuite, il ne trouve plus quoi demander. Alors Allah Azza wa Jalla rappelle au serviteur des choses qu'il n'a pas demandées. Ya ikhwani, hal hunaka arham min Allah Azza wa Jalla? Est-ce qu'il y a plus miséricordieux qu'Allah Azza wa Jalla? Au point où il rappelle à son serviteur quoi lui demander? Alors qu'il l'a sauvé de l'enfer. Naam. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit la kadhalik. Wa mithluhu ma'a. Puis Allah azza wa jalla lui dit, tout ce que tu as demandé, je te l'accorde. Avec son équivalent en plus. Et son équivalent en plus, un certain nombre de fois. Dans l'autre version du hadith, je vais te donner ad-dunya, ce bas monde. Cheikh Souleyman Rahimahullah Ta'ala nous dit, c'est-à-dire depuis la création jusqu'à sa fin. Ad-dunya, depuis sa création jusqu'à la fin, tout ce que comporte la dunya. Et 10 fois son équivalent, ou comme ça a été cité dans le hadith. Alors le serviteur dit, Ya Rab. Donc Allah lui donne quoi? Ce bas monde. Et yani multiplié un certain nombre de fois. Dans l'autre version du hadith, ce qu'ont les rois de la dunya, et un certain nombre de fois multiplié. Quand le serviteur d'Allah Azza wa Jalla va entendre cela, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Ya Rab, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Il va dire, Ya Allah, est-ce que tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur des mondes? Il va entendre cela, il ne va pas en croire ses oreilles. Naam. Mais, wa'adullahi haqq. Mais en réalité, la promesse d'Allah Azza wa Jalla, elle est vérité. Puis Allah Azza wa Jalla va lui permettre d'entrer au paradis. À ce moment-là, le prophète sallam a ri. Naam. C'est pour cela que le sahabi qui a rapporté le hadith, il a voulu le rapporter comme le prophète sallam, au point de rire avant, et aller au point de rire à ce moment-là, ou bien avant de dire le hadith. Pourquoi est-ce que je vous ai cité ce hadith? Pour vous montrer que le prophète sallam rit. Et le prophète sallam plaisante avec Aïcha. Et le prophète sallam discutait avec Aïcha, discutait avec ses épouses, et il plaisantait avec ses épouses. Il plaisanta avec les enfants. Naam. Un jour, il a mis de l'eau dans sa bouche et il s'est mis devant un enfant et il a fait comme cela. Il a arrosé l'enfant. Naam. Est-ce que vous imaginez cette scène? Hada Rasulullah, ça c'est le message d'Allah. Il s'occupait d'une communauté, il s'occupait de 9 épouses. Naam. Il était malade, il allait au djihad, il faisait. Et il trouvait le temps de jouer avec cet enfant. Le petit frère de Anas ibn Malik, Abu Umayr, il lui a donné une kunya, il a plaisanté avec lui. Il avait un oiseau avec lequel il jouait. Un jour, cet oiseau est décédé. Le prophète sallam, il est venu, c'est comme s'il lui a présenté ses condoléances et il lui a changé les idées. Il lui a dit, Ya Aba Umayr, mada fa'ala nureyn? Naam. Que s'est-il passé? Il a discuté avec lui. C'était un enfant. Il a discuté avec lui. Naam. Un jour, le prophète sallam a reçu la visite de compagnons. Certains avaient leurs enfants. Il les prenait sur lui, il jouait avec eux, il les mettait sur ses genoux. Un jour, le prophète sallam était sur le minbar, il parlait, il avait un de ses petits-enfants qui marchait, il traversait les rangs. Imaginez un enfant qui passe comme ça. Il tombait, puis il réussissait à se lever. Vous voyez, lorsque l'enfant commence à marcher, comment est-ce qu'il fait? Il trébuche, il tombe. Et le prophète sallam est descendu, il l'a pris. Naam, il avait de la rahma. Alors que c'était le message d'Allah, il était occupé. Il était occupé plus que nous. Il était fatigué plus que nous. Il était plus âgé que nous. Malgré ça, il trouvait du temps pour jouer avec les enfants, pour jouer avec ses épouses, pour parler avec ses épouses, pour parler avec les enfants. Et Anas ibn Malik disait, lorsqu'il croisait des enfants, il les saluait et il leur touchait la tête. Naam. Il les saluait. Et des fois, il s'arrêtait avec les enfants, il plaisantait avec eux. Et un jour, une femme est arrivée, elle était âgée. Il a dit quoi? Il a dit, La tadkhulul jannah ajouz. Il a dit, la femme âgée n'entrera pas au paradis. Alors elle a été triste. Na'am. Il a plaisanté avec elle. Et il voulait dire quoi? Il voulait dire qu'elle sera jeune fil jannah. Elle sera jeune fil jannah. Mais il l'a dit d'une manière à l'apaiser. Na'am. Et parmi les meilleures actions, le prophète sallam dit idkhal as-surur fi qalbi mu'min. Le fait de faire entrer la joie dans le cœur d'un croyant. Tu plaisantes avec lui. Mais que fait le halal? Certains frères font des blagues et c'est faux. Il dit non, je rigole après. Il croit, comme il a dit non, je rigole, il croit que c'est halal, khalas. Le prophète il a dit qu'il plaisantait, mais il plaisante que dans le halal. Et c'est pour cela que les savants ont dit que, comment est-ce qu'on appelle ça, le tamthil, les théâtres et les pièces de théâtre et ce genre de choses, c'est haram. Hein? C'est basé sur le haram, c'est basé sur le mensonge, c'est basé sur, et ainsi de suite. C'est sur les mauvaises mœurs. Tayyib. Et comment est-ce qu'on appelle les spectacles des comiques? Vous voyez, les sketchs. Naam. Hada haram. Naam, ça c'est haram. Tayyib. Certaines personnes, en plus de commettre ce haram, ils tombent dans le kufr, iyadan billah. Ils tombent dans le kufr. Et tu rigoles avec lui dans ce kufr, toi aussi tu tombes dans le kufr, iyadan billah. Naam. Celui qui reste avec les gens qui font du kufr, qui disent du kufr, et il s'associe à eux dans cette chose-là, même s'il n'a pas parlé, il peut sortir de l'islam. Il peut sortir de l'islam. Et réviser Nawaqid et de l'islam avec l'explication de Cheikh Salah Al-Fawzan ou d'autres parmi nos grands ulama, du passage, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَا يَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dit Ezdallah de ces signes, bien de ces versets, dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru. Combien de personnes ont fait cette blague? Une personne. Mais Allah Azza wa Jalla a cité la mécréance au pluriel. Au pluriel. Na'am. قد كفرتم بعد إيمانكم. Vous avez bel et bien eu, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Alors que le compagnon qui a dit كذبت ولكنك منافق لو أخبرنا رسول الله, lui il n'est pas sorti de l'islam, il a été élevé رضي الله عنه, parce qu'il a défendu l'honneur des compagnons, défendu l'honneur du prophète صلى الله عليه وسلم. Des gens ont dit quoi? ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء يعنون رسول الله وأصحابه. Qu'a dit cette mauvaise personne au retour de la bataille, assis avec ses amis? Nous n'avons jamais vu des savants comme ceux-là. Les Qur'an, les lecteurs du Qur'an à l'époque, c'est les savants. Avec des ventres aussi gros, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'à manger. Avec des langues aussi mensongères, c'est-à-dire que ce sont des grands menteurs. Et aussi peureux lors de la rencontre avec l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils entendaient par cela? Les compagnons et les messagers d'Allah. Hein? Lorsque l'homme est dans une assise, il parle sur les autres, il pense qu'on n'entend pas. Allah Azza wa Jal, As-Sami'ur Raqib, l'entend. Allah Azza wa Jal a révélé le Coran suite à leurs paroles. Et il nous a informé qu'ils sont sortis de l'islam. Un compagnon qui a entendu de ça a dit espèce de menteur. Mais tu n'es qu'un hypocrite. Assurément, j'informerai le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses dires. C'est ça le comportement des hommes, des vrais hommes. Il entend une mauvaise parole, il arrête. Il réfute. Il défend l'honneur des musulmans. Voilà qu'il n'a qu'un munafiq. Tu n'es qu'un hypocrite. J'informerai le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ses dires. Lorsqu'il est venu, il a trouvé que la révélation l'avait précédé. Cet homme tenait la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et voulait s'excuser. Au message d'Allah, on ne faisait que plaisanter. Ça n'était que verbiage pour passer le temps, comme le font les voyageurs. Et le prophète sallallahu lui répétait que le verset. Est-ce d'Allah? Il y a la traduction est-ce d'Allah de ces versets. De son messager dont vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Une parole, ils sont tous sortis de l'islam. Donc ne reste pas dans les assises où on se moque d'Allah, où on se moque des signes d'Allah Azza wa Jal, où on parle sur les musulmans, où on dénigre les musulmans. Naam. Et si tu as assisté à cela, alors sois véridique avec Allah Azza wa Jal et ne crains personne. Naam, en dehors d'Allah Azza wa Jal. Soit tu te lèves et tu quittes cette assise en montrant que tu n'es pas satisfait de cela, comme l'a expliqué l'imam Nawawi, c'est une obligation, c'est le minimum. Soit tu réfutes si tu en as la capacité, soit tu fais le rappel, soit tu dis crains Allah Azza wa Jal, et ainsi de suite. Amma, de prendre cette parole qui a été dite sur ton frère et d'aller lui répéter, naam, pour que la fitna advienne entre lui et son frère, je te dis que le prophète a dit La yadkhulu al-jannata qattat. Vous savez ce que veut dire qattat? Muttafaqun alayh. Ça veut dire namam. C'est un hadith qui a rapporté l'imam Bukhari et l'imam Muslim. N'entrera pas au paradis le colporteur. Naam, c'est-à-dire quoi? Namam, c'est celui qui prend une parole. Un groupe de gens, il va répéter un autre groupe pour semer la zizanie entre les deux. Naam. Il se peut que la personne prenne une parole et elle le dira à un autre groupe et ce ne soit pas namam. Naam, mais là, on met en garde sur ce point-là, précisément. Donc, les sketchs et tous ces gens-là, Naam, sont des gens qui ont des cœurs durs et qui font partie des gens de la distraction. Tu ne dois pas leur ressembler. Tu ne dois pas être comme eux. Tu dois faire attention. Naam, regarde pas les sketchs, ne reste pas avec ceux qui regardent ceux-là. Et ne sois pas de ceux qui n'ont pour but que de faire rire l'assemblée. Détends l'assemblée, fais entrer la joie plaisante avec mesure. Il n'y a pas de mal dans cela. Mais qu'avec le halal. Naam, malheur à celui qui ment pour faire rire l'assemblée, d'accord, comme c'est venu dans le hadith, que avec mesure et mada, sans exagérer, et que dans le halal. Et aussi la façon de rire, les savants ont parlé de la façon de rire, ça ne fait pas partie du bon comportement de rire aux éclats. Avec Yannus qui a montré le fond de ta gorge et tomber à la renverse et tout ça, ça ne fait pas partie du comportement des personnes qui ont le cœur vivant. Ça peut nous arriver, mais il faut qu'on sache quel est le juste milieu. Ne sois pas de ceux qui accueillent leurs frères comme des ennemis ou rentrent chez eux comme si c'est un tigre qui rentre chez lui. Naam, là. Et peut-être que le lion ou le tigre est mieux peut-être que ça. Naam. Tous les sourires pour Fulan ou Allah. Et quand il rentre chez lui, on dirait qu'il s'apprête à combattre. Là, naam, ne sois pas de ceux qui ont le visage fermé au quotidien et ne sois pas de ceux qui rient aux éclats, naam, tout le temps. Et ni le juste milieu. Sois comme le prophète. L'ikulli maqam il maqam. Chaque situation, tu fais ce qu'il convient de faire. Ensuite, l'auteur, rahimahullahu, Ta'ala. Donc de beaucoup rire, ça vient en corrélation avec quoi? Avec l'insouciance. Donc ça ramène à la dureté du cœur. Il faut faire attention à ce point. Wa minha kathratul akl. Le quatrième point, c'est le fait de beaucoup manger. L'auteur nous dit wa la siyama in kana min ash-shubuhat aw al-haram. Le fait de beaucoup manger, particulièrement si cette nourriture fait partie des choses équivoque ou interdite. Interdit, c'est wadah, c'est clair. Équivoque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains points de vue, tu pourrais penser que c'est halal. Mais d'un autre point de vue, tu pourrais penser que c'est haram. Ça, c'est ce qu'on appelle les choses al-mushtabihat, les choses équivoques. Donc, de beaucoup manger, il s'agit de halal. On ne parle pas de haram. Hein. On parle de halal. Le fait de beaucoup manger de halal amène la dureté du cœur. Et encore plus si ça fait partie des choses équivoques ou muharrama, ou muharrama interdite. Et concernant le fait de beaucoup rire, revenez à l'explication de Al-Shama'il, le chapitre sur Al-Mizah, de l'imam Al-Tirmidhi, avec l'explication de Cheikh Abdurrazak Al-Badr, pour les arabophones et pour ceux qui ne sont pas arabophones, avec l'explication du frère Sadaq Wafakahullah, vous trouverez le cours sur Mada, le site La Voix Droite. Le chapitre sur la plaisanterie. Naam, c'est muhim, c'est important. Et si Allah Azza wa Jal nous facilite, Inch'Allah, je reprendrai cela pour une khutbah. Donc, le fait de beaucoup manger. Quant au mujtabihat, les choses équivoques, la piété c'est de s'en éloigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le halal et ma'adhan al-halal bayna wa al-haram bayna wa bayna huma amurum mushtabihat la ya'lamunna kathiru minan nas. Aman ittaqa shubuhat faqad istabara li dini wa ardi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fi al-haram karra'i al-hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes le halal certes le licite est évident, certes le haram est évident, et entre les deux il y a les choses qui sont équivoques, ignorées de la plupart des gens. Celui qui se prémunit des choses équivoques aura préservé sa religion et son honneur. On va préserver sa religion et son honneur. Donc ça, c'est le meilleur des comportements à avoir. C'est équivoque, tu t'en éloignes. Alhamdulillah, Wallah est dans la nourriture. Allah Azza wa Jalla m'a dhayaqa alik. Allah Azza wa Jalla ne t'a pas restreint. Yani al-maladhat wal-khayrat wal-mubahat. Allah Azza wa Jalla ne m'a dhayaqa alik. Il n'a pas resserré sur toi yani les bienfaits. Il y en a plein. Il y en a plein. Et tu trouves certaines personnes polémiquées sur quoi? Le McDonald's. Naam, le McDonald's. Même le nom, la prononciation du nom, je l'avais oublié. Ya akhi, tu trouves des gens qui font des débats. Le McDonald's Kada. Il y a combien de restaurants sont licites de manière claire et évidente. Mais Shaitan est venu mettre dans ton cœur le fait de t'attarder, de t'arrêter sur le McDonald's. Naam, subhanallah. Subhanallah, combien d'autres restaurants tu connais? Dans une seule et même ville, tu n'as que l'embarras du choix. Chaque semaine, il y en a qui ouvre ses portes. Naam, et qu'Allah enrichisse de halal nos frères. Et si je veux entrer dans ce sujet encore plus en profondeur, même les sauces. Yani, il y a de cela 10 ans, tu avais le choix entre du ketchup et de la mayonnaise. Maintenant, tu retardes ceux qui sont derrière toi. Pourquoi? Parce qu'il te dit tu veux ça, tu veux ça, tu veux. Tu lis à quoi? Il te dit y a ça. Tu n'as jamais goûté, que tu as que l'embarras du choix. Tu veux pas de la viande, l'escalade, tu veux pas. Mais toi, non. Le McDonald's, est-ce que c'est halal? Est-ce que kada? Yahi, apprends comment tu vas salir. Apprends haqqullah ala al-ibad, le droit d'Allah azza wa jalla sur le al-wudu, al-tahara, comment cogiter après. Quand tu as fini tout ça, tu reviens, on discute du McDonald's. Naam. Quand tu as fini tout ça, on revient, on discute du McDonald's. Sans rentrer dans le sujet de la santé, de la malbouffe et ainsi de suite. Naam. Parce que j'ai dépassé le temps que je m'étais apparti. Et je ne parle pas de ceux qui disent. Yani, parmi les frères qui ont occupé les gens, alors qu'à une époque, personne allait au McDonald's parmi les awam, chez les musulmans, je dis bien les awam, les gens de la masse, c'était réglé pour eux. Naam. Nos aïeux, les tranches de bacon halal, comment on appelle ça, jambon de dinde et blanc de dinde, ils n'arrivent même pas à manger ça. Puisque à leur époque, c'était que du porc, ça. Ils n'arrivent pas. Toi, tu es en train de t'attarder sur le McDonald's. Ya akhi, hada min ash-shaytan, délaisse cette polémique. Va manger chez toi. Il n'y a pas mieux. Naam, pour ta santé, pour ton temps et ainsi de suite. Et si tu vas aller manger dans un endroit halal, et Ani va manger dans les endroits halal où c'est clair. Ensuite, il dit, oui, mais j'ai vu de l'alcool. Est-ce que ça peut être halal, mais il y a de l'alcool? Encore un autre débat. Et Ani, combien de restaurants, il n'y a pas d'alcool? Va dans ceux où il n'y a pas d'alcool. Va pas dans les choses équivoques. Ton cœur, il va être, inshallah, plus doux. Il va être plus doux. أصلحنا الله وإياكم. قال بشر بن الحارث خصلتان تقسيان القلب. بشر بن الحارث رحمه الله تعالى dit il y a deux caractéristiques qui endurcissent le cœur. كثرة الكلام وكثرة الأكل. Le fait de beaucoup parler, le fait de beaucoup manger. ذكره أبو نعيم. وذكر المروذي في كتاب الورع قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع شبعان قال ما أرى ابن مروذي a dit dans son livre Al-Wara, j'ai dit à Abu Abdillah. Abu Abdillah, c'est la kunya de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, Ahmed ibn Hanbal. Il l'a questionné en lui disant, est-ce que tu penses qu'un homme peut avoir la douceur du cœur tout en étant rassasié? Imam Ahmed lui a dit, je ne pense pas. C'est-à-dire que ça ne va pas ensemble. Si tu manges beaucoup, tu vas occuper ton cœur par l'excès dans le mubahat, l'excès dans les choses permises. Et le cœur, quand tu le remplis d'une chose, il en est distrait d'une autre. Vous avez compris? Et ça amène à quoi? À la dureté du cœur, car il n'est pas dans dhikrullah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Celui qui mange beaucoup, pour mieux comprendre cela, celui qui mange beaucoup, son corps sera alourdi, son cœur sera alourdi. Naam. Et celui dont le cœur est alourdi, il va dormir beaucoup. il va être faible et il va être paresseux dans les bonnes actions. Donc dans les choses qui amènent à la base quoi ? Riqqatul qalb, la douceur du cœur. C'est en cela que les savants ont dit qu'il aura un cœur dur. Et c'est encore pire s'il mange du haram, comme le porc et ainsi de suite, al-maïta, les choses qui sont la viande morte, ou bien qu'il achète des choses halal mais avec de l'argent haram. Ça c'est un point dont on ne doit pas être distrait. Quand on dit le haram, c'est pas que la chose haram en soi, comme le porc, comme la viande morte, comme les animaux qui ont des crocs et ainsi de suite, non, ou des cerfs, mais même ce qui est acheté avec de l'argent haram. Acheter avec de l'argent haram. Même ça, tu t'en éloignes, ça peut amener la dureté du cœur. L'imam Shafi'i, d'autres parmi les anciens, ils ne mangeaient qu'un peu. Et lorsqu'ils étaient chez des gens pieux, ils se rassasiaient. Parce qu'ils étaient sûrs que c'était du licite. Ils étaient sûrs que c'était du licite. Donc tu fais attention à ce que tu manges et aussi comment est-ce que tu te le procures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme dans le hadith al-Miqdad, ma mala'a ibn Adam wi'a'an sharran min batni. Le prophète sallam nous dit que le fils de Adam n'a pas rempli un récipient plus mauvais que son ventre. Na'am. Bihasbi ibn Adam luqaymat yuqimna sulbah. C'est suffisant pour le fils d'Adam de manger quelques bouchées afin de pouvoir maintenir son cœur. Son corps, pardon. Wa in kana la mahala, et s'il veut absolument, ben, فَثُلُثٌ لِطَعَامِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِ. Alors un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson, un tiers pour respirer. Na'am. Certaines personnes n'arrivent plus à s'asseoir après le repas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de place pour l'air. Il n'y a plus de place pour l'air. Na'am. Il a tellement mangé qu'il est obligé de prendre une posture. Vous comprenez laquelle? Na'am. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé de place. Ni pour la boisson, que dire alors de de l'air. L'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala dit al-shaba' yuthqilu al-badan. Le fait d'être rassasié, de manger beaucoup, ça alourdit le corps. Wa yuzilu al-fatna. Al-fitna, ça fait disparaître l'intelligence. Wa yujlibu an-nawm, et ça ramène le sommeil. Wa yud'ifu as-sahiba, ça affaiblit la personne an al-ibada, dans la pratique des adorations. Certaines personnes, lorsqu'elles veulent manger, c'est toute une histoire. Ils sont ensemble, et ils disent où ils vont manger. Ils prennent 20 minutes pour décider dans l'endroit où ils vont manger. Ensuite, 30 minutes pour aller dans l'endroit où ils vont manger. Ensuite, il reste une heure pour manger. Bihamdillahi azza wa jalla, Allah m'a facilité le fait de rester un peu au Yémen. Wallahi, que les frères, environ 7 minutes, il finissait le plat. Na'am. Vous savez quel était ce plat, cher frère? Tous les matins, ce que vous appelez, Allah alam, la loubia. Des haricots rouges, comment vous dites, le plat? C'est ça? D'accord. Fasoulia. Tous les matins, vers 8h du matin, ça c'était leur petit déjeuner, ceux qui n'avaient pas les moyens. Tous les matins, dans le marquès de Cheikh Moukbil, rahimahullah ta'ala. Wa rafa Allah darajati. Tous les midis et tous les soirs, ils mangeaient un plat de riz sans sauce, sans viande et sans légumes et ainsi de suite. Et c'est pas le riz qu'on a chez nous, les Africains. Hein. C'est pas, je parle pas de ce riz-là. Na'am, avec la sauce ou ça. Hein, ça c'est l'endurance qu'avait Tullab al-Ilm. Pas des gens comme moi, Tullab al-Ilm, haqiqat. Na'am. En quelques minutes, il n'y avait pas. Et pendant les jours du Eid, et pendant Ramadan, il y avait un tout petit peu de viande avec un peu de graisse. C'était le moment où tu voyais, il y a de la viande. Et quand ils avaient un peu d'argent, ils achetaient des livres. Ils achetaient des livres. Allahu Akbar. C'est leur situation. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux ont mémorisé le Coran, certains ont mémorisé Riyad Salihin, d'autres ont mémorisé Amd al-Ahkam et d'autres des Kutub. Wahakad. Na'am. Et nous, pour aller manger dans un endroit, c'est aller tout une ou aller kada après le temps d'aller, après le temps de revenir, ou kada après t'as raté la salle Thomas Didier, après. Par contre, lorsqu'il y a cours, il y a une conférence assez loin. Naam. Ah, j'ai pas le temps. Naam. Ah, mais ou kada. Toutes les fatawas que Shaitan pourra lui donner, va les accepter sans dalil. Ça, c'est pour aller, ça, c'est pour les in. Il y a un cours de ah, mais c'est mada, le cours, mais c'est payant. Ah, mais mada, j'ai. Comment on dit mada, je vais au sport. Maintenant, les frères, ils font de la musculation. Naam. Je vais au foot. Dimanche matin, je peux pas aller au hôtel, je vais au foot. Yanni, si tu fais de la muscu le mardi, si tu fais de la, du foot le dimanche, et tu manges pendant deux. Quand est-ce que tu vas apprendre? Quand est-ce que tu vas connaître Allah Azza wa Jal? Dans toute la semaine, tu ne peux pas donner pour Allah Azza wa Jal 3 heures, 10 heures. Là, Fabima tadroul Jannah idan. Par quoi alors est-ce que tu vas rentrer fil Jannah? Tu ne veux pas étudier ta juive pour miser le Coran. Tu ne veux pas apprendre l'arabe pour savoir ce qu'Allah Azza wa Jal veut de toi. Tu préfères aller au sport et aller et aller et aller pour cultiver ton cœur et tu, ton corps et tu laisses ton corps. Harib. Fabima tadroul Jannah idan. Avec quoi alors est-ce que tu vas rentrer fil Jannah? بما ندخل الجنة إخواني أليس بالعمل الصالح أي بسبب الأعمال الصالحة avec quoi est-ce qu'on entre au paradis c'est pas بما كنتم تعملون avec les bonnes actions c'est-à-dire par la cause des bonnes actions qu'on faisait في الدنيا donc il faut revenir à Allah عز وجل chercher les failles qu'il y a dans nos cœurs réformer nos cœurs en espérant qu'Allah عز وجل nous pardonne nos péchés nous donne un cœur sain et nous permette de l'adorer comme il lui plaît سبحانه وتعالى اميديتي l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit deux nuits un mois deux mois sans allumer la cheminée sans allumer le feu alors urwa dit à sa tante Aïcha radhiyallahu anha alors qu'est-ce que vous mangiez au matin elle lui dit al-aswadan les deux noirs c'est-à-dire les dattes et l'an des dattes et de l'an le prophète sallallahu alayhi wa sallam est invité chez quelqu'un il n'a rien à lui servir si ce n'est du vinaigre avec du pain vous savez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni'ma al-idam al-khal. Le prophète a dit quel bon accompagnement qu'est le vinaigre. Et toi, tu as quelqu'un, tu es gêné. Tu n'as que, par exemple, du jus à lui donner de sous-marque. Alors, tu es gêné. Ça? Lui, il boit de ce jus et il dit Alhamdulillah, comment yani, c'est exactement ce que je voulais. Et une parole comme ça pour tranquilliser. C'est comme ça qu'était le prophète. Ma'aba ta'aman qat. Il n'a jamais critiqué un repas. Et lui, il rentre, il n'y a pas assez de sel, il n'y a pas assez de kada, il n'y a pas, moi je vais manger au grec, ou à kada. Il critique son épouse, elle s'est fatiguée pendant deux heures à cuisiner. Au lieu de faire comme le prophète sallam lui a appris, Masha'Allah, il n'y a pas un meilleur repas, ou à kada, et après en cachette, il va manger autre chose dehors. Ça, c'est la sunna. C'est que tu mens dans ce contexte-là pour pas la blesser. Et sahaba, c'est la même chose à Ahlus Suffa, ils ne trouvaient pas de quoi manger. Et on va finir sur le hadith de Abu Rayra, radiallahu anhu, pour te montrer que de temps en temps, tu peux shba'. Ça ne contredit pas la sunna de shba', de temps en temps, de se rassasier de temps en temps. Tu manges, tu bois. De temps en temps. Biqada. Le prophète sallam est avec Abu Rayra, ils ont été invités pour boire du lait. Le prophète sallam a dit à Abu Hurayra de ramener tout Ahl al-Safa, c'était les pauvres qui restaient fil masjid. Naam, je ne sais pas combien est-ce qu'ils étaient environ. Une cinquantaine, mumkin. Tayyib, Ahl al-Safa. C'était les pauvres. Parmi eux, Abu Hurayra, le plus grand savant dans le hadith de la communauté. Abu Hurayra a vu ce qu'il y avait. Quand le prophète lui a dit ramène tout Ahl al-Safa, il a dit Subhanallah, moi, khalas, mon haqq. Et Ani, je vais rien avoir, ça c'est sûr. Il s'est dit ça. Alors, mais il a obéi au prophète sallam, la bout. Il a amené les gens. Le prophète sallam lui a dit, serre-les. Après, il a donné à boire au premier, à boire au deuxième, à boire au troisième, à boire au quatrième, et ainsi de suite. Quand tout le monde a bu, Abu Hurayra a dit, subhanallah, le récipient ne diminuait pas. Le prophète sallam a mis sa main, ça ne diminuait pas. Naam, c'est un miracle qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Naam. À la fin, il a dit, tiens, ya Abu Hurayra, shrab. Tiens, Abu Hurayra, bois. Abu Hurayra, shari. Il lui a dit, zid. Il lui a dit, rajoute. Il lui a dit, shrab. Bois. Abu Hurayra, rebu une deuxième fois. Il lui a dit, shrab. Quand il a fini, il a dit, bois une troisième fois. Après, il a dit, shrab. Bois encore. Après, il a dit, ya Rasulallah, wallahi, la jillahu maslaka. Il a dit, wallahi, ya Rasulallah, je ne trouve aucun chemin. C'est-à-dire, je suis rassasié, je suis rebu. Je ne trouve plus de place pour boire cela. Et regardez celui qui obéit au prophète sallam, yatawakkal ala Allah azza wa jal. Allah azza wa jal donne son rizq kamilan, au-dessus de ce qu'il espérait. Hein? Ceux qui ne veulent pas partager vont manger en cachette. Dites-leur ce hadith. Ou bien il y a une invitation, il ramène deux personnes, il dit si je ramène la troisième, il n'y a pas assez pour nous. Dites-lui ce hadith-là. On s'arrête sur cela. Il nous reste un point. ماذا كثرت الذنوب et ربما c'est le point le plus difficile à citer pour ma faible personne mais comme je vous ai dit au début cette qira'a je l'ai fait pour moi-même avant tout et celui qui veut qu'on s'entraide dans ce bien yajlis ma'i mais c'est un des points qui pèse lourd pour moi à dire na'am parce que on se voit dans ça et on en parle na'am mais comme l'imam Malik a dit je me console avec cela il dit n'unis pas entre deux péchés faire le péché et pas dire aux gens de ne pas le faire na'am ou bien يعني لا تجمع بين فعل الذنب وعدم النهي عن المنكر n'unis pas entre le fait de faire le péché et laisser les gens dans le péché na'am toi tu fumes يعني quelqu'un fume et l'autre fume il dit moi je lui dis pas fume pas parce que moi je fume est-ce que ça c'est bon c'est pas bon mais lui fait des efforts pour arrêter de fumer et lui dit aussi à l'autre d'arrêter de fumer وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا قلوبا سالمه اللهم ارزقنا قلوبا سالمه اللهم طهر فساد قلوبنا اللهم طهر فساد قلوبنا اللهم طهر فساد قلوبنا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين